Vas-y, patron. Représente. De Marseille à Paris. Au nom de tous les miens qui ont tu un vécu biaisé, qui aiment ce rap comme le frisson du premier baiser, ou qui ont pris au fond d'eux-mêmes le jeu de la rime à la cool. Loin du tonton Macoul, t'as cours sur scène pour faire bouger la foule. Au nom de ceux qui voient plus loin que l'origine face à la cruauté du monde, et que les larmes d'un enfant émeuvent, à ceux dont la passion du son est le seul crime, et malgré les qualités des profs les ont poussés vers la fraiseuse. Modèles de réussite qui ont su briser les chaînes dans ce pays qui colle à nos gueules sticker de l'échec. Les infos nous font dire qu'on est tous les flics, qu'on aime surtout les filles, le fric et se grouper sous les briques. Qu'on trafique le shit, la cocaïne ou les pites. Moi je m'en souviens pas, je remets que le goût d'un sale poulet frites. Alors on fonce, rodé à l'amalgame. Et c'est pas de mon secteur d'où sortent les pires coups de Trafalgar. À ce qu'on fixe, qu'on juge à la louche, fatigué par le leçon d'un bled qui marche à la loose. Je connais qu'un homme qui aime la jungle, c'est l'ami de Balou. J'ai ouvert leur boîte à rêves, j'ai trouvé que du balourd. Qu'ils nous donnent la parole, si comme ils disent ils sont si démocrates. Car nous aussi dans le fond on a nos Platons, nos Périclès, nos Échilles, nos Socrates. Pire que passer au crack, leur laïus sur l'avenir il fait trop mal au crâne. Issu de là où on n'écoute pas les Beatles, plutôt Benny Siegel et les derniers discours de Malcolm Little. Plus de jus, plus d'essence, on avance quand même. Tant bien qu'on devrait parcourir le tour du globe en tandem. Ouais, à de Marseille jusqu'à Paris, pour les patrons du ghetto. Merci à vous tous. On a montré notre patrimoine à nous, n'est-ce pas? Big up, Carrescat, Joe le Balafré, moi-même, toi-même, tu sais. À nos familles, à tous les frères, à toutes les sœurs. Soyez respectueux, grandissez dans le respect. Et t'auras le respect des autres. À mon staff, pandématique, modèle. Oui. Faisons de nos handicaps une richesse, une mine d'or. On vaut de l'or, nous. Graine africaine, graine maghrébine. L'avenir est à nous, poteau.